lunes trop blêmes posant diadèmes sur tes cheveux roux. La lune est trop rose de gloire et glavose, ton jour pomplant trop. La lune est trop pâle, caresse l'opale de tes yeux blasés. Princesse de la rose, sois la bienvenue dans mon cœur blessé. This is with up to la beauty can make the wretched sigh. Well, windmill winds of the Mulan shelter you and I. Ma petite mendigote, qui je sens sans mes notes, qui cherche ma main. Je sens sa poitrine, et ta taille fine, j'oublie mon charme. Je sens sur tes lèvres une odeur de fièvre, de rose mal nourrie. Et sous ta caresse, je sens une ivresse qui m'anéantit. The stairs with up to la beauté can make the wretched sigh. Well, windmill winds of the Mulan shelter you and I. Et voilà qu'elle trotte, la lune qui flotte, la princesse aussi. La la la la la, la la la la la, sous des évanouis. Les escaliers de la butte sont dieux aux misereux. Les ailes des murs l'âme protégeaient les âmes.